Ndikoma Nyanga. Merci de rester fidèle aux émissions de la radio Isanganiro. Séraphine Hakizimane de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue à ce journal. Donc voici d'abord les titres. La tenue du congrès du parti CNL organisé dimanche de la semaine passée au chef-lieu de la province Ngozi a été régulière selon Nestor Girukushaka, élu président. C'est après que le Kangwasa a indiqué que ce congrès a été tenu en violation des textes et lois régissant le parti CNL. Entre-temps, le ministre de l'Intérieur dit n'avoir pas encore eu les procès-verbaux relatifs à ce congrès de Ngozi pour pouvoir s'exprimer. Le président du Sénat burundais déplore le comportement de certains magistrats qui demandent de pots de vin aux justiciables. Emmanuel Sinzo Hagera l'a dit ce mardi au cours d'une réunion qu'il a tenue à l'intention des représentants des confessions religieuses. Reprise des activités de collecte des grains de maïs à Kayanza par l'ANAGESSA après 2 semaines de suspension de ses activités. Les fonds pour achat de cette production étant disponibles dans les caisses. C'est de la COPEC Kayanza. Bienvenue à cette édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal et par la page politique, le nouveau président du parti CNL affirmait qu'il n'y a pas eu de violation des lois et règlements du parti. Dans l'organisation du congrès du 10 mars, Nestor Girukushaka justifie que les congressistes remplissaient les critères requis et que ceux qui ont été arrêtés avaient l'intention de perturber le déroulement du dit congrès du parti CNL. Suivez Nestor Girukushaka. Les congressistes étaient bel et bien les personnes dûment qualifiées pour participer. Les images le montrent très bien. Si on analyse bien les images, il n'y avait pas de personnes intrus. Il n'y avait pas d'autres personnes en dehors des personnes qui étaient destinées à être des congressistes. Mais ce que je veux dire, c'est que quand nous avons tenu ce congrès, il y a eu la participation des députés dans ce congrès. Parce qu'ils sont aussi conviés dans ce congrès. Ils étaient là. S'il y en a qui n'étaient pas là, peut-être ils étaient pris par d'autres préoccupations. Mais moi, je ne suis pas au courant. Nestor Girukushaka sera l'invité du journal dans les dernières minutes de ce journal. Contacté par la rédaction de la radio-télévision Isanganiro, le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, dit n'avoir pas encore eu les procès-verbaux relatifs à ce congrès d'Ngozi pour pouvoir s'exprimer. Page sécurité à présent, 2 personnes, l'une de la commune Ngozi et l'autre de Ruhororo, nous sommes en province Ngozi, ont été tués au cours de la nuit de ce lundi, d'après le commissaire provincial de la police Bonfort Ndoreraho. L'un est un voleur tué par la police et l'autre c'est un vieux qui serait victime de la sorcellerie. 2 personnes soupçonnées auteurs de son meurtre sont déjà dans les mains de la police pour question d'enquête. Les détails avec Apollinaire Moutsakar. Selon les informations émanant des habitants proches de la brasserie Burundi Brewery de Viegwa en commune Ngozi, 2 bandits sont venus voler à cette brasserie. Ils ont lancé des pierres pour éteindre les lampes afin de créer de l'obscurité. Une de ces lampes a été atteinte par ces pierres et s'est éteinte. Les informations confirmées par le commissaire provincial de la police, Bonfort Ndorera. Les policiers qui gardent cette brasserie ont alors ouvert le feu, tuant ainsi un de ces bandits, selon toujours la police. Un de ces voleurs est parvenu à prendre le large. Le bandit tué reste jusqu'à présent inconnu d'après cette autorité provinciale de la police. La même nuit, un vieux a été tué, décapité à Mubanga, en commune de Roro de la même province Ngozi, serait victime du soupçon de sorcellerie, selon les mêmes informations policières. 2 de ses 2 fils présumés auteurs du meurtre ont été déjà appréhendés. La police dit avoir déjà entamé des enquêtes, d'abord pour identifier ce voleur tué et ceux qui ont assassiné cet homme de Ruhororo. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à Apollinaire Muzagara pour tous ces détails. Le président du Sénat burundais déplore l'exigence de la corruption aux justiciables par les magistrats pour que ces premiers gagnent leur procès en toute violation de l'article 67 de la Constitution du Burundi lors de l'atelier sur le rôle des églises dans le renforcement de la justice. Et ce mardi, Honorable Emmanuel Sinzohagera appelle aux représentants des confessions religieuses de sensibiliser leurs adeptes à la bonne exécution de leurs tâches gouvernementales. Les représentants de ces confessions ont répondu favorable à cet appel. Des états avec Omer Ndouaïsou. Au cours de cet atelier, Emmanuel Sinzohagera, président du Sénat, estime que ces juges qui triquent des jugements ne s'absentent jamais dans des messes. Il jette la balle aux représentants des confessions religieuses qu'il considère comme des managers des équipes de football. Selon lui, lorsque l'équipe perd son match, la défaite incombe à l'entraîneur, une allocation qui ne gêne pas les représentants des confessions religieuses présents dans cet atelier. Ceux-ci acceptent d'aller accomplir cette mission. Ces représentants des confessions religieuses estiment que les sensibilisations qu'ils donneront aux croyants seront bénéfiques au changement de mentalité. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Page agriculture à présent, les activités de la collecte et l'achat des grains de maïs des agriculteurs par l'ANAGESA ont redémarré dès ce lundi en zone commune Kayanza après deux semaines qu'elles étaient suspendues faute de moyens nécessaires pour ces activités. Jean-Pierre Ndagijimana, agent de l'Agence nationale de stock et de sécurité alimentaire en commune Kayanza, indique que l'argent est déjà disponible au compte de la COPEC, Agence Kayanza, mais que cette institution de microfinance ne donne pas à la NAGESA toute la somme d'argent nécessaire pour satisfaire tous les agriculteurs de la commune Kayanza. Les détails avec Patrick Senghiouf. Lors de notre passage au hangar de stockage des grains de maïs des agriculteurs de la commune Kayanza Solendi, nous avons constaté que le travail de l'achat et la collecte des grains de maïs a redémarré après des semaines qu'il était temporairement suspendu. Pourtant, certains ne désiraient gratter caractérisent encore cette activité, bien que l'agent communal de l'Agence nationale de stock et de sécurité alimentaire à Kayanza indique que le problème du manque d'argent est déjà résolu et qu'il est déjà disponible au compte de la COPEC. Parmi ces irrégularités, on peut parler le cas des agriculteurs qui disent qu'ils amènent les produits du maïs au hangar de stockage de l'ANAGESA en zone Kayanza et quand ils ne vendent pas leurs grains de maïs, ils préfèrent les conserver dans le hangar de cette agence après que l'humidimètre montre que les grains de maïs sont bien secs et le jour qui suit poursuivent-ils, le même appareil montre que les grains ne sont pas secs et qu'ils doivent être resséchés. Ils déplorent également les distances qu'ils parcourent et l'argent de transport aussi qu'ils dépensent pour arriver au hangar de stockage. Pour certains de ces agriculteurs, l'ANAGESA devrait informer préalablement les agriculteurs les problèmes rencontrés pour ne pas acheter leurs grains de maïs, ce qui leur permettrait d'après eux de ne pas dépenser inutilement pour les transports. Interrogé à ce sujet d'Agjimana Jean-Pierre Laja, communal à Kayanza de l'ANAGESA, celui-ci nous a fait savoir que le problème majeur est que la COPEC ne leur donne pas toute la somme d'argent qu'on veut pour acheter 5 grains de maïs des agriculteurs. Cet agent de l'ANAGESA en commune Kayanza parlait aussi du nombre insuffisant de travailleurs chargés d'emballer les grains de maïs dans des sacs imprégnés d'insecticides. Jean-Pierre Ndagijimana tranquillise pourtant les agriculteurs que tous ces défis pourraient être relevés dans un très proche à venir. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiouva pour la radio Isanganiro. Page éducation à présent, des élèves fréquentant différents établissements scolaires de la zone Gatumba. Nous sommes en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Disent qu'ils étudient dans les mauvaises conditions suite aux inondations qui ont touché cette zone. Les mêmes élèves disent qu'ils peuvent ne pas terminer le programme de cours prévu. Le chef de zone Gatumba, Jean Mouyouboké, ajoute que certains élèves abandonnent même l'école, mais les appellent à la persévérance et ne pas se décourager. Reportage d'Orné Lamoucho. Les inondations qui menacent la zone Gatumba affectent aussi les écoles. Certains élèves rencontrés en allant ou rentrant de l'école disent qu'ils sont obligés de parcourir un long trajet après que certaines écoles touchées par ces inondations aient été délocalisées. Nous nous absentons à l'école en se demandant comment on peut marcher ou traverser avec ces inondations. On peut faire une semaine d'absence. Il y a même des cas d'abandon, surtout chez les filles, car ces dernières n'hésitent pas à aller vivre chez un homme juste pour échapper à ces problèmes. Ces élèves demandent à l'État de prendre en main cette question pour étudier dans de bonnes conditions comme d'autres élèves. Nous demandons avec insistance au gouvernement de nous venir en aide afin que nous puissions étudier dans de bonnes conditions et préparer un meilleur avenir, car si ça continue, on risque de se décourager et abandonner. Il faut trouver des solutions par rapport à cette rivière Rusizi et le lac Tanganyika qui sont à l'origine de ces inondations. Le chef de zone Gatumba, Jean Moyoboke, encourage ses élèves et leurs enseignants de ne pas se décourager face à cette situation. Il y a des écoles touchées par ces inondations, mais on a pris l'option de partager les classes avec celles qui n'ont pas été touchées par ces inondations ou les délocaliser. Vous voyez ici même, il y a une école qui est en train d'être construite, qui pourra accueillir des élèves qui sont dans de telles conditions. C'est vrai que certaines écoles sont délocalisées loin, mais il n'y avait aucun choix. Il faut que ces élèves puissent surmonter ces défis. Je profite de cette occasion pour rappeler aux parents qu'ils ont le devoir d'obliger leurs enfants à aller à l'école. Et on interpelle aux enseignants qui viennent de loin pour arriver à l'école de ne pas se décourager, car il y a des écoles dont on a besoin de se déplacer par bateau pour y arriver. Pour rappel, ces inondations menacent la zone Gatumba depuis l'an 2016. Parlons toujours éducation. Certaines écoles de la province Bururi font face au manque de machines, ordinateurs et de livres de grammaire comme matériel didactique. Cela a été dit au cours d'un atelier de coordination des intervenants en matière de développement organisé la semaine dernière par le gouvernement de cette province pour le problème lié au manque de livres. Colonel Londas Bandenzamaso, première autorité provinciale de Bururi, a annoncé que la diaspora de cette province a accepté d'octroyer 10 000 livres de grammaire et dictionnaire aux écoles et salue les aides déjà octroyées dans le secteur de l'éducation par les natifs de la province Bururi vivant à l'étranger. Zeno Nzamiman. Certaines écoles de la province de Bururi ont réellement besoin des machines ordinateurs pour les travaux pratiques sur les leçons apprises, surtout dans le cours de technologie de l'information et de communication, et bien dans d'autres cours nécessitant des machines ordinateurs. Cette province scolaire de Bururi fait face également au manque de livres et de grammaire dans le cours de français. Cela a été dit la semaine écoulée par le directeur provincial de l'éducation à Bururi. C'était au cours d'un atelier de coordination des intervenants en matière de développement, un atelier organisé par le gouverneur de cette province. Antoine Sabiyumva, premier responsable de l'éducation à Bururi, a dans son intervention demandé un appui de ses intervenants en matière de développement pour l'achat de son matériel didactique dont certaines écoles ont besoin. Pour la question relative au manque de livres, le gouverneur de la province de Bururi a annoncé que la diaspora de la province de Bururi a accepté d'octroyer à cette province scolaire une aide composée de 10 000 livres, dont les livres de grammaire et les dictionnaires. Colonel Dasman Zamaso a profité de l'occasion pour saluer toutes les aides en livres déjà octroyées par ces natifs de la province de Bururi vivant à l'étranger dans le but de soutenir cette province dans le secteur de l'éducation. Depuis Bururi, Zeno Nzamimana pour la radio Isanganiro. À la source, interview. Place à l'invité du journal, Nestor Girukushaka, récemment élu président du parti CNL, à remplacement du député Agaton Urguasa, est au micro de Placide Niomonguete. Nestor Girukushaka, vous êtes le nouveau président du parti Congrès National pour la Liberté. Bonjour. Bonjour, monsieur Placide. Vous venez d'être élu dans un congrès qui a été organisé après qu'une autre partie, qui était d'ailleurs reconnue comme organe légal, a été interdit d'organiser ce genre d'activité. Quelle a été votre stratégie pour avoir une autorisation? Ce que nous avons utilisé comme stratégie, c'est quoi? Nous avons préparé le congrès en bonne et due forme, après avoir lu les textes qui nous régissent, et nous avons informé l'autorité compétente de cette tenue du congrès. Certains cautionnent la qualité des congressistes et parlent qu'il y aurait d'autres personnes, mais pas de vrai profil candidat. Ah, je pense qu'ils se trompent. Les congressistes étaient bel et bien les personnes dûment qualifiées pour participer. Les images le montrent très bien. Si on analyse bien les images, il n'y avait pas de personnes intrus. Il n'y avait pas d'autres personnes en dehors des personnes qui étaient destinées à être des congressistes. Lors de ce congrès, parti, des députés étaient exclus, étaient gardés sur un terrain. Et quelle explication donnerez-vous à ça? Je ne sais pas s'il y avait une partie des députés qui étaient exclus. Je n'en ai pas été mis au courant. Peut-être j'étais préoccupé par la bonne marche de ce congrès, comme j'étais aussi parmi les organisateurs. Mais ce que je veux dire, c'est que quand nous avons tenu ce congrès, il y a eu la participation des députés dans ce congrès. Parce qu'ils sont aussi conviés dans ce congrès. Ils étaient là. S'il y en a qui n'étaient pas là, peut-être ils étaient pris par d'autres préoccupations. Mais moi, je ne suis pas au courant. Selon moi, ce que je dois dire, confirmer, c'est que durant le déroulement de ce congrès, nous avons entendu parler des personnes qui sont venues avec des matraques, avec des morceaux de fer à béton, avec des morceaux de tubes pour perturber notre congrès. Je ne sais pas si vous parlez de cela ou pas. À travers ces images sur les réseaux sociaux, on aperçoit des jeunes avec des radios qu'on peut assimiler à des jeunes des autres partis politiques, par exemple. Je ne pense pas. Nous avons la jeunesse, oui. Nous avons la jeunesse et dans chaque partie, il y a la jeunesse. Il y avait la jeunesse, mais je n'ai pas vu ces images d'abord et je ne pense pas que notre jeunesse est organisée de cette façon-là. Je ne crois pas. Et vu les circonstances dans lesquelles le congrès a été organisé, pensez-vous que ce congrès, bien pour retrouver une solution durable à la crise qui régnait au sein de ce parti, ou bien ça vient pour renforcer le clou? Tout à fait. Ce congrès vient résoudre le problème parce que nous avons essayé de nous asseoir ensemble avec l'ancien leader, même son équipe. Nous avons essayé de nous asseoir ensemble pour pouvoir discuter, débattre sur les défis qui nous minent, les défis qui minent le parti. Il n'a pas voulu. Et là, nous avons lu les textes, ce que les textes nous autorisent légalement. C'est ça que nous avons fait. Et nous pensons que c'était la seule manière de pouvoir résoudre définitivement cette crise qui nous mine. Les statuts parlent qu'il avait le plein pouvoir d'organiser ce genre de congrès. Les statuts sont très très bien clairs, très clairs sur ce point-là. Les statuts disent que s'il advient par exemple que le président commet une défaillance dans le leadership, il y a le bureau politique qui serait dirigé par le secrétaire général et qui essaie de préparer comment remettre en ordre les choses. Si, par exemple, il advient que le secrétaire général n'est pas disponible, le doyen d'âge dans l'équipe du bureau politique préside le bureau politique. Est-ce que, vu les statuts, est-ce que le Congrès n'a pas connu un retard compte tenu des prérogatives du doyen d'âge? Je ne pense pas que le Congrès a connu un certain retard. Parce que vous voyez, il fallait d'abord, ce qu'on privilégie chez nous, au CNL, c'est la paix d'abord. Qu'est-ce qui va suivre? Réunification de Désel ou exclusion? Il n'y a pas de réunification parce qu'il n'y a pas d'elle. Nous, ce que nous avons dit, nous avons demandé que tout le monde, au niveau des Inyangamugayo, nos militants, se rejoigne à nous pour qu'on puisse bâtir ensemble, pour qu'on puisse retourner sur le terrain, pour qu'on puisse reprendre nos activités politiques. Certains parlent d'une main invisible derrière ce congrès. N'est-ce pas, oui? Une main invisible. Je ne pense pas qu'il y a une main invisible dans cette organisation parce que nous l'avons toujours clamé, publié des communiqués sur la situation. Nous avons annoncé l'évolution de la situation. Nous avons toujours parlé de cette tentative et de rapprochement qu'on avait avec l'ancien représentant du parti. Il n'y a jamais eu qui que ce soit pour s'ingérer dans nos affaires. C'est juste le bureau politique qui a pris les choses en main pour pouvoir résoudre définitivement le problème. Donc, ceux qui pensent qu'il y a une main invisible, ce sont ceux qui veulent justifier leurs erreurs. Nestor Guéguichak, nous vous remercie. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Hakizimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Nzikoyanga. Bonne suite de programme sur le Sanganiro. Isa.